someone hear me? Can I add a sign that someone hear me, please? Yay! Martin, what's up? It's my first time, guys. I'm from Montreal. Assez fort, ramène ça un peu plus haut. Bon, tu sais, c'est le fun quand ils sont tous égales. Tu peux, je pense, muter là aussi. Un, if deux, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, les deux mutes de Ninjam sont là. Ça, c'est ton Reaper. Ça, je pense que c'est nous, en fait. Ouais, exactement.